Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de réserves. Alors, il se passe une chose, c'est que les gens maintenant ont des moyens mécaniques de faire sécher les bois dans des étuves. Alors, on a résolu ce problème, paraît-il que c'est valable, mais enfin, moi, je ne l'ai jamais expérimenté, étant donné que j'ai toujours eu des bois d'avance, quoi. Moi, j'ai toujours des bois d'au moins 20 ou 30 ans devant moi, alors ce qui fait.